Bienvenue à une autre édition de Web Music. C'est Simon Roy qui est au micro, donc on va passer la prochaine heure ensemble. Beaucoup de musique en téléchargement gratuit, comme à l'habitude. Donc, je vous rappelle de vous rendre sur le blog de l'émission. C'est situé au www.webmusic.ca. Vous allez donc pouvoir retrouver la playlist et ainsi que tous les liens pour télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Il y a également la balado-diffusion qui est disponible, donc si vous avez manqué des émissions précédentes, ben tout est là pour vous, c'est disponible gratuitement. Cette semaine, donc, on va débuter avec Broads. Je vous fais entendre la pièce Marine Layer, c'est sur l'étiquette Fuse Lab. Ça va être suivi par une pièce méga cheesy, c'est Redshift. Ça donne mal au cœur tellement c'est cheesy, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle. La voix, c'est une voix synthétique japonaise ou indonésienne. J'ai un petit peu de difficulté à distinguer les deux. Donc, la pièce de Redshift s'intitule Kyoku no Monogatari, ou on pourrait traduire ça par histoire d'une mémoire. Donc, ça, c'est sur l'étiquette Mind Blasting, une nouvelle étiquette dans mon cas. Donc, je vais surveiller un peu plus qu'est-ce qui se passe là-dessus. Donc, c'est ça. On débute Web Music avec Broads et suivi par Redshift. Thank you.

C'était donc une pièce de Serpent. C'était donc la pièce, attendez un peu, Scissor Girls. Donc, on va poursuivre avec une pièce cette fois-ci de Hypnotic Implant. Je vous fais passer la pièce Rumble in the Jungle. Vous allez voir, vraiment excellent, tendance un peu drum and bass.

Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre Dan X avec sa pièce MDK. C'était donc tiré de son album Press Play on Tape sur l'étiquette Planet X Records. Avant ça, du Portugal, un peu de donc guitare portugaise avec un peu de mélange électronique au travers. C'était MPEX avec sa pièce Erdos tiré de son album Cardinal. Ça, c'était sur l'étiquette Enough Records. Toujours sur l'étiquette Enough Records, je vais vous faire entendre une pièce de Amitron 7. C'est la pièce intitulée Spoon Bending de Table Rapers. Ensuite de ça, on va entendre Bad Gibbons, un artiste publié sur l'étiquette Subwise. Je vais vous faire entendre sa pièce Methone. Je l'ai peut-être déjà fait passer à l'émission, mais elle est tellement bonne que je peux pas m'en empêcher, je la fais repasser. Donc pour tout de suite à Web Music, on écoute Amitron 7. Is there no one with you in the spirit world to play with, dear? Is there no one at all? A look around you, dear. Is there no one at all with you? There must be someone with you. Thank you. C'était Bad Gibbons avec sa pièce Methone. C'était précédé par la pièce donc Spoon Bending de Table Rapers par Amitron 7. Ça, c'était sur l'étiquette Enough Records et Bad Gibbons était sur Subwise. C'est déjà tout pour Web Musique. C'est la croche-oreille qui suit tout de suite après, donc restez à l'antenne. Nous, on se quitte sur une dernière pièce, mais avant, je vous rappelle de vous rendre au www.webmusique.ca pour pouvoir télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Donc, on se quitte sur une dernière pièce de Bored Lord. C'est la pièce Ceremonially. On se quitte là-dessus, puis je vous donne rendez-vous à compter de 20h la semaine prochaine pour une autre émission de Web Musique. We'll be right back.